madame lourde, mais de toutes les catins qu'elle tenait poigne en main. Poil au sang. Nul n'est osé faire abstinence. Le client montrait sa reconnaissance. Fallait juste le mettre en transe par l'abstinence. Madame lourde, mère de toutes les catins, députée des plaisirs sans fin. Madame lourde, Madame lourde, on en convient, oui, assez bien, se faisait moins de mal. Vous avez compris, il s'agit des plaisirs d'agir, d'avant-guerre, de ce fameux caractère. Que valait-il plus qu'un ministère? Pour ces dames de vocation, l'occasion se met à ta contribution avec passion. D'une profession dont il fallait l'ascension, autant d'attention pour toutes ces compulsions. Madame lourde, mère de toutes les catins, députée des plaisirs sans fin. Madame lourde, Madame lourde, on en convient, oui, assez bien, se faisait moins de mal que de bien. On aurait pu parler de Bernard, le plus grand des clochards, mais un képi trop tard, il est dans le fourgon bizarre. Près notre chère prostituée, désormais prohibée, on lui a troqué son trottoir contre une place au mitard. La clochard, l'autre catin, même combat, même chemin, plus le droit d'aller au turbin, ni de tendre bien la main. C'est bien malin, ça change rien, on remet ça demain.